Gérard de Nerval, Les Chimères. Poème publié en 1854 à la suite des Filles du Feu. Gérard de Nerval écrivit à propos des sonnets qui composent ce court recueil: « Ils ne sont guère plus obscurs que la métaphysique de Hegel ou les mémorables de Swedenborg, et perdraient de leur charme à être expliqués, si la chose était possible. Concédez-moi du moins le mérite de l'expression. » La dernière folie qui me restera probablement, ce sera de me croire poète. C'est à la critique de m'en guérir.